telle fut la nature de nos rapports quand cet homme survint. Dès son arrivée à Moscou, cet homme, il s'appelait Troukachevski, nous rendit visite. C'était un matin. Je le reçus. Dans le temps, nous nous étions tutoyés. Il variait du « vous » au « tu », revenant le plus souvent au « tu ». Mais je n'employais plus que le « vous » et il en fit autant sans difficulté. Il me déplut fort dès la première vue. Mais chose étrange, une force fatale, invincible, me porta à ne point le congédier et à l'admettre au contraire chez moi. Il m'eût été aisé de n'échanger avec lui que quelques mots, de l'éloigner par ma froideur et de ne point le présenter à ma femme, mais non. Comme à dessein, je me mis à lui parler de son jeu de violoniste. Il répliqua en disant qu'on avait tort d'affirmer qu'il avait abandonné le violon, qu'il en jouait avec plus d'ardeur qu'auparavant. Il me rappela qu'autrefois, je jouais aussi du violon. Je lui dis que j'y avais renoncé, mais que ma femme était une bonne musicienne. Mes relations avec Troukachevski furent telles dès le premier moment qu'elles pouvaient être seulement après tout ce qui s'était passé entre ma femme et moi. J'attribuais à chaque mot, à chaque expression de lui ou de moi, une importance particulière. Je le présentai à ma femme. La conversation roula aussitôt sur la musique et il proposa ses services. Ma femme était, comme tous ces derniers temps, très élégante et d'une beauté troublante. Troukachevski lui plut visiblement du premier regard. Elle se montra en outre enchantée d'avoir un accompagnateur pour son piano. Elle en avait tellement de plaisir qu'elle avait loué un violoniste de l'orchestre d'un théâtre, et son visage exprima ce plaisir. Quand elle eut jeté un regard sur moi, elle comprit ma pensée et changea d'expression. Alors reprirent nos mensonges mutuels. J'eus un sourire aimable et je finis d'y goûter fort. Il regarda ma femme comme tous les viveurs regardent une jolie femme. Il feignit de s'intéresser uniquement à notre conversation, précisément à ce qui avait le moins d'intérêt pour lui. Elle fit tout pour paraître indifférente, tandis qu'elle était excitée par la malignité du regard du violoniste et par l'expression de jalousie que je m'efforçais de cacher dans un sourire, mais qu'elle voyait dans mon visage. Je remarquai, dès le premier moment, que les yeux de ma femme brillaient d'un éclat particulier et que ma jalousie provoquait en eux je ne sais quel courant électrique qui donnait même expression à leur regard et à leur sourire. Il fut question, à cette première entrevue, de musique, de Paris, de mille futilités. Il se leva pour prendre congé, nous regardant tous deux, se dandinant, le chapeau sur la hanche et comme attendant quelque chose. Je me rappelle cette minute, justement parce que je pouvais fort bien ne pas le prier de revenir. Je n'avais qu'à ne pas l'inviter et rien ne serait arrivé. Je regardais ma femme, puis Troukachevski. « Ne te figure pas que je puisse être jaloux de toi, » dis-je mentalement à ma femme, « ou que j'ai peur de toi, » en m'adressant de même à lui. Et je l'invitai à revenir un prochain soir avec son violon pour faire de la musique avec ma femme. Elle me regarda avec surprise et devint subitement rouge comme en une sorte de frayeur. Elle chercha à se récuser, disant qu'elle ne jouait pas assez bien. Ce prétexte m'excita plus encore. Je me rappelle le sentiment étrange qui m'envahit lorsque je contemplais, tandis qu'il quittait le salon de son pas léger et sautillant, son cou blanc, encadré par ses cheveux noirs retombant des deux côtés. La présence de cet homme, je ne pouvais me le dissimuler, m'était une torture. « Il ne dépend que de moi, me disais-je, de m'arranger pour ne plus jamais le revoir. Mais aurais-je peur de lui, moi ? Ah, certes non ! Ce serait trop humiliant. » Dans le vestibule, sachant que ma femme pouvait parfaitement entendre. De nouveau, je le priai instamment de venir, et le soir même, avec son violon. Il me le promit et partit. Le soir, il vint, en effet, avec son violon. Et ils jouèrent. Mais d'abord, l'ensemble ne marcha pas bien. Il n'était pas dans le même ton, et ma femme n'était pas assez musicienne pour transposer à première vue. J'aime passionnément la musique. Je pris intérêt à leur jeu. Je les aidai dans leurs recherches, et ils purent jouer quelques morceaux. Des chansons sans musique, et une petite sonate de Mozart. Ils jouaient à la perfection. Ils possédaient au suprême degré ce qu'on appelle le ton, un goût sûr et fin, ce qui ne cadrait nullement avec son caractère. Il était évidemment bien plus fort que ma femme. Il lui donna quelques conseils d'un ton simple et naturel, louant en même temps son jeu avec courtoisie. Ma femme semblait se donner tout entière à la musique. Elle était naturelle et charmante. Moi-même, durant la soirée, je feignis et fus pris à ma propre feinte de m'intéresser uniquement à la musique. En réalité, la jalousie me torturait. Dès la première minute où je vis leurs regards se croiser, je compris que la bête qui était en eux, bravant les apparences mondaines, interrogeait. « Peut-on ?» Et aussitôt, la réplique « Oh, oui !» Je remarquai qu'il ne s'était pas attendu à trouver en ma femme, dame de Moscou, une femme si attirante, et qu'il en était fort heureux, car il n'avait aucun doute qu'elle consente. Il importait seulement que l'insupportable mari ne vînt pas tout compromettre. Si j'avais été pure, je n'aurais pas scruté ses pensées, mais j'agissais de même à l'égard des femmes. Je le compris et j'en souffris beaucoup. Ce qui me faisait surtout souffrir, c'est que j'avais l'assurance qu'elle n'avait pour moi qu'un sentiment d'irritation, interrompu de temps en temps par la sensualité habituelle. Et, d'autre part, je voyais que cet homme devait lui être agréable par ses façons élégantes, par sa nouveauté, par son incontestable talent musical, par le rapprochement qu'exigeaient ses duos, par l'excitation que produit la musique, le violon particulièrement, chez les natures impressionnables. Non seulement il devait lui être agréable, mais il devait la subjuguer sans peine et faire d'elle ce qu'il voudrait. Il m'était impossible de ne pas le comprendre et de ne pas en souffrir horriblement. Malgré cela, à cause de cela, peut-être, une force invincible me poussait à être poli, aimable même, à son égard. Je ne sais pas si j'agissais pour faire voir à ma femme que je ne le redoutais pas, ou pour me tromper moi-même. Pour étouffer l'envie que j'avais de le tuer, j'étais contraint d'user de courtoisie envers lui. À table, je lui versais à boire, je me montrais ravie de son jeu, je lui parlais de la façon la plus aimable du monde. Puis, je l'invitais pour le dimanche suivant. On fera de la musique et j'inviterai quelques amis amateurs pour l'entendre. Sur cela, il prit congé de nous. Pris d'émotion, Poznichev changea de position, fit entendre son hoquet particulier, puis reprit avec un effort pour se maîtriser. La présence de cet homme agissait sur moi d'une façon étrange. Deux ou trois jours plus tard, je rentrais à la maison quand, tout à coup, dans le vestibule, je sentis, sans me rendre compte au juste de ce qui en était, comme un lourd fardeau s'appesantir sur mon cœur. Quelque chose dans l'antichambre m'avait rappelé Troukhatchevski. Ce ne fut que dans mon cabinet que je compris ce qui en était. Je revins au vestibule pour vérifier le bien fondé de ma supposition. C'était bien son manteau, je ne m'étais pas trompée. J'étais, inconsciemment, un observateur très fin pour tout ce qui se rapportait à lui. Je m'enquis. Il était là, en effet. Au lieu de passer par le petit salon pour me rendre dans le grand, je traversais la chambre des enfants. Lisa parcourait un livre, la nourrice amusait avec un couvercle quelconque le dernier-né qu'elle tenait dans ses bras. J'entends, venant du salon, dont la porte était fermée, des arpèges lents et leur voix, à elle et à lui. Les sons du piano assourdissaient, sans doute exprès, les paroles, des baisers peut-être. Grand Dieu ! Quel sentiment, quelles pensées s'emparèrent de moi. Je ne puis songer sans effroi à la bête déchaînée en moi à ce moment. Mon cœur se serra, s'arrêta, puis se remit à battre comme un marteau. Le sentiment dominant, comme à toutes mes heures d'irritation, était une grande pitié pour moi-même. En présence de mes enfants, pensais-je, en présence de la nourrice, elle me déshonore. J'avais sans doute un air terrible, car Lisa me regardait avec des yeux étranges. Que faire ? Me demandai-je. Entrer ? Impossible ! Je me livrerai à quelque esclandre, mais je ne puis pas non plus m'éloigner. La nourrice me regardait comme si elle comprenait mon état. Il fallait entrer, cependant. J'ouvris brusquement la porte. Il était assis au piano et faisait des arpèges avec ses longs doigts recourbés. Elle était debout, au coin du piano, devant les cahiers ouverts. Elle m'avait vu ou entendu la première et jeta un regard sur moi. Fut-elle ou non saisie, ou fit-elle semblant de ne pas l'être? Ce qui est certain, c'est qu'elle ne tressaillit pas. Elle ne bougea pas. Elle rougit un peu seulement, mais plus tard. « Oh, que je suis heureuse que tu sois venue! Nous ne savons pas encore ce que nous jouerons dimanche !» dit-elle. D'un ton qui ne lui était pas habituel dans nos tête-à-tête. Ce ton, ce nous, m'indignèrent. Je le saluai froidement. Il me serra la main avec un sourire qui me parut railleur. Il m'expliqua ensuite qu'il avait apporté des partitions afin de se préparer pour le dimanche, mais qu'il n'était point d'accord sur ce qu'il jouerait. Serait-ce une sonate de Beethoven ? Des morceaux classiques et quelque peu difficiles, ou bien quelque chose d'une exécution plus facile. Tout cela était si simple, si naturel, que je ne pouvais vraiment me fâcher. Cependant, je voyais, je sentais que cela n'était qu'hypocrisie, et qu'ils étaient d'accord sur la manière de me tromper. Le plus grand tourment d'un jaloux, et qui n'est pas jaloux dans notre monde, vient de ces conventions mondaines qui, sous des prétextes divers, précipitent l'un vers l'autre, en une intimité dangereuse, un homme et une femme. On deviendrait la risée de tous si l'on voulait s'opposer à ces rapprochements, au bal, aux relations des médecins avec leurs malades, des artistes entre eux, des peintres, et surtout des musiciens. Deux personnes s'occupent de musique, le plus noble des arts. Et cette occupation exige un rapprochement qui d'ailleurs ne peut paraître blâmable qu'aux yeux d'un sot jaloux. Un mari de bonne éducation ne doit pas avoir de ses pensées et surtout ne doit pas s'immiscer dans ses affaires. Et tout le monde sait cependant que ce sont des occupations de cette nature, de la musique particulièrement, qui font naître dans notre société la plupart des adultères. Le silence que je gardais pendant quelques instants les avait visiblement gênés. J'étais comme une bouteille renversée, dont l'eau ne coule plus parce qu'elle est trop pleine. Je voulais lui jeter une insulte à la face, le chasser, mais je n'en fis rien. Au contraire, je m'estimais coupable de les avoir dérangés. J'eus l'air de tout approuver, et ce sentiment qui me dominait me porta à être aimable, au possible, avec lui, malgré le martyre que me causait sa présence. Je répondis que je m'en reportais à son goût, et que ma femme, si elle voulait suivre mon conseil, agirait de même. Il resta juste autant qu'il était nécessaire pour effacer la mauvaise impression produite par ma brusque entrée et ma figure épouvantée. Puis il s'en alla, paraissant satisfait des décisions prises pour le lendemain. J'avais la conviction, quant à moi, que cette question de musique était de beaucoup subordonnée à leur autre préoccupation. Je l'accompagnai jusqu'au vestibule avec la plus grande courtoisie. Comment ne pas accompagner un homme qui vient chez vous pour troubler la paix et anéantir le bonheur de toute une famille ? Et je serrai avec une vive affabilité sa main blanche et douce.